Et ça, ça, là, c'est bon. Essaye, tu vois. Essaye, hein, tu vas voir. I don't want to say. c'était la séquence rock and roll. C'était la séquence. La voix, il n'y en a pas. Il y a un peu de reverb sur la voix. Hey, hey. C'est ça, sûr. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Tu n'entends pas la reverb? Tu n'entends pas la reverb? T'es sûr? What's it take on mine? Yeah! Je me pétais la voix. Can't say it in my head. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Way, way, way, yeah.